Liberté. Non, mais dans les magasins. J'aime pas les épinards, les champignons. J'aime pas le café. Je me sens molle, je me sens molle, je me sens molle. Je n'ai rien mangé de la journée. Je voudrais à manger. Je n'ai rien bu de la journée. Puis du matin, plus de la journée, plus d'hier. Je n'ai que mangé plus que j'étais née. Au lit, je vais me coucher parce que... Et j'ai plus d'eau, je peux plus rien boire, je peux plus rien manger. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vais aller au magasin, mais il n'y en a plus. Il faut aller au supermarché alors. Au revoir, messieurs. Et c'est fini, maman.